بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Donc nous allons continuer l'explication du livre de la purification de Boulour al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au hadith numéro 8. Celui d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré. Donc Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification d'un récipient dans lequel un chien a lapé consiste à le laver 7 fois, dont la première avec de la terre. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous mentionne comment purifier un récipient dans lequel un chien a lapé. Et avant de rentrer dans l'explication du hadith, nous allons répondre à une question qui nous aidera pour la suite. Et cette question est: le chien est-il pur ou impur? Et les savants ont divergé à propos de ce sujet en 3 avis. Le premier avis est que toutes les parties de son corps sont impures. Toutes les parties du corps du chien sont impures. Et ceci est l'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et cet avis est l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants sont d'avis que toutes les parties du corps du chien sont impurs. Et ils se sont basés sur ce hadith. Ils se sont basés sur le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la purification d'un récipient dans lequel un chien a lapé consiste à le laver 7 fois, dont la première avec la terre. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis: toutes les parties de son corps sont pures. Donc le deuxième avis est au contraire du premier. Ces savants-là, ils ont dit que toutes les parties de son corps sont pures. Et ceci est l'avis de l'imam Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et l'imam Malik et les savants qui sont de cet avis, ils se sont basés sur une règle, qui est que la base dans les choses, c'est la pureté. Donc il y a comme vous le savez, une règle qui dit que la base dans les choses, c'est la pureté. Et donc ces savants-là, ils ont dit qu'on reste sur cette base qui est la pureté, et donc le chien reste pur. Et le troisième avis est qu'il n'y a que la salive et la langue du chien qui sont impures. Et ceci est certes l'avis le plus juste. Et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est l'avis aussi qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah rahmatan wasi'a. Cet avis est le plus juste, incha'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné seulement de se purifier de la salive du chien et non pas de tout son corps. Également, cet avis est le plus juste, car la base est que toute chose est pure. Et donc c'est pour cela que cet avis, incha'Allah, est le plus juste et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Donc Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification d'un récipient dans lequel un chien a lapé. Donc le sens textuel du hadith indique que le mot chien ici est général. Le sens textuel du hadith indique que le mot chien ici est général. C'est-à-dire qu'il englobe le chien qu'il est permis d'avoir en sa possession, tout comme celui qui est interdit d'avoir en sa possession. Donc là, ici, le terme chien, il est général. Ça englobe le chien qu'il est permis d'avoir en sa possession, tout comme celui qu'il est interdit d'avoir en sa possession. Et les chiens qu'il est permis d'avoir en sa possession sont de trois catégories. La première, c'est le chien de chasse. Donc le chien qu'on va se servir pour chasser. La deuxième catégorie, le chien de troupeau. Et la troisième, le chien de garde du champ. C'est-à-dire quand quelqu'un il a un champ, il a un chien, d'accord, de garde qui surveille ce champ. Et en dehors de cela, il est interdit d'avoir un chien. Surtout qu'avoir un chien, ikhwani fillah, est une ressemblance claire aux mécréants et aux polythéistes. Et ceci ne fait pas partie des habitudes des musulmans. Ils ont plutôt pris cela des mécréants. Avoir un chien, lui donner un nom, le nourrir, le promener dehors. Et tout ce que les gens font à cette époque, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Ceci est interdit et nuisible pour la personne, car sa récompense diminue. Car sa récompense diminue tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'après Ibn Omar qu'Allah l'agré, qui se trouve dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, il dit: Celui qui possède un chien, sauf un chien de troupeau ou de chasse, verra chaque jour sa récompense diminuer de 2 qirat. Donc ce hadith-là, il nous montre que la réponse, ou plutôt la récompense, excusez-moi, de celui qui possède un chien, en dehors des chiens qui ont été mentionnés précédemment, sa récompense sera diminuée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, consiste à le laver 7 fois, dont la première avec de la terre. C'est-à-dire, lors du premier lavage, il faut mettre de l'eau dans le récipient, puis le saupoudrer de terre, ensuite frotter la terre sur le récipient. Et ceci est considéré comme un lavage. Ensuite, il faut faire suivre cela par 6 lavages avec de l'eau. Et cette manière est la meilleure. Car lorsque la terre est mise en premier, les autres lavages n'auront pas besoin de terre, car l'impureté sera moindre. Et donc par la suite, l'eau ne rajoutera que propreté et pureté. Et les savants, ils ont mentionné que la terre peut être mise dans le second lavage, ou dans le troisième, ou dans le quatrième, etc. Mais le mieux, c'est qu'elle soit mise dans le premier lavage. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aulahunna bit turab, dont la première avec de la terre. Donc ça, c'est le mieux. Le mieux, c'est que la personne, lorsqu'elle lave le récipient, le premier lavage, elle mette la terre au premier lavage. Mais c'est permis qu'elle le mette au deuxième, au troisième, ou au quatrième, ou au cinquième, ou au sixième, ou au septième. Mais le mieux, c'est au premier lavage. Et le sens textuel du hadith indique l'obligation de laver le récipient sept fois, même si l'eau n'est pas impure. Car lorsque le chien lape l'eau d'un récipient, ceci n'altère pas l'eau, surtout si elle est en grande quantité. Et les savants, ils ont mentionné une sagesse dans le lavage sept fois du récipient dont le chien a mis sa langue. Ils ont mentionné qu'en vérité, il y a dans la salive du chien des vers qui sont nuisibles pour l'homme. Et si ces vers restent dans le récipient et qu'une personne viendra à boire, ils descendraient dans l'estomac, ce qui nuirait fortement à la personne. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à sa communauté de laver le récipient sept fois et dans le premier lavage de mettre de la terre. Et donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ce hadith, les savants, ils ont tiré de ce hadith une catégorie d'impureté. En effet, l'impureté, elle se divise en trois catégories. La première catégorie, l'impureté sévère. Et c'est celle mentionnée dans ce hadith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la laver sept fois. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie qui est l'impureté modérée. Et c'est l'impureté qui nous est ordonnée de laver une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'impureté parte. Donc ça, on appelle ça l'impureté modérée. Et la troisième catégorie, l'impureté légère, c'est celle qui nous suffit juste d'arroser, telle que l'urine de l'enfant qui ne mange pas encore, ou son vomi. Donc là, il nous suffit juste d'arroser cette impureté. Et cette impureté-là, on l'appelle l'impureté légère. Donc les trois catégories, l'impureté sévère, l'impureté modérée et l'impureté légère. Le deuxième enseignement qu'on tire de ce hadith, on ne peut enlever l'impureté de la bave du chien qu'avec sept lavages et non pas avec un nombre moindre que celui-ci. Le troisième enseignement, c'est que lorsque le chien lape dans un récipient, il faut jeter l'eau qu'il contient. Car l'auteur, après ce hadith, il a mentionné la formulation de l'imam muslim. Donc l'auteur, il dit dans une formulation de muslim qu'il jette l'eau qu'elle contient. Qu'il jette l'eau qu'elle contient. Donc ça nous montre que lorsque la personne a un récipient et qu'un chien viendrait laper, donc dans ce récipient, il faut d'abord jeter l'eau de ce récipient Puis ensuite, laver ce récipient sept fois. Le quatrième enseignement, avoir un chien en sa possession est nuisible, car il y a de nombreux méfaits dans ceci. Parmi eux, la diminution de la récompense. Aussi, il y a une perte de temps considérable, car le chien risque de laper dans les récipients. Et donc le propriétaire sera obligé de laver tous les récipients sept fois, dont la première avec de la terre. Et il y a encore de nombreux méfaits à cela, comme l'ont mentionné les savants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, nous passons au neuvième hadith. Donc l'auteur, il dit, Abu Qatada, qu'Allah l'agré rapporte, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de la chatte, elle n'est pas impure, mais elle compte parmi les animaux domestiques. Donc ce hadith-là, il a une cause. Un jour, on sortit de l'eau à Abu Qatada. Donc Abu Qatada, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son nom c'est Al-Harith. Le nom de Abu Qatada c'est Al-Harith. Donc un jour on sortit de l'eau à Abu Qatada, qu'Allah l'agrée, pour qu'il fasse ses ablutions. C'est alors qu'une chatte vint autour de lui, car elle voulait boire. Et Abu Qatada, qu'Allah l'agrée, lui tendit le récipient. Puis elle but. Et la femme de Abu Qatada, qu'Allah l'agré, s'étonna de cela. Et lui dit, comment laisses-tu boire la chatte dans le récipient dont tu fais les ablutions? C'est alors qu'Abu Qatada, qu'Allah l'agré, rapporta ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, elle n'est pas impure, en parlant de la chatte. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit elle n'est pas impure, c'est-à-dire que toutes les parties de son corps sont pures. Toutes les parties de son corps sont pures. Par contre, il est bon de mentionner un point qui est très important. C'est que l'urine de la chatte et ses excréments sont impurs. Et quelqu'un ici il pourrait demander pourquoi son urine et ses excréments sont impurs. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle n'est pas impure. Et la réponse à cette question, c'est que toute chose qu'il est interdit de manger, son urine et ses excréments sont impurs. Donc ça, c'est une chose à retenir. Toutes les choses qu'il est interdit de manger, son urine et ses excréments sont impurs. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas manger du chat. On ne peut pas manger du chat. Ceci est certes interdit. Ceci est certes interdit. Et la règle dans cela, c'est que tout ce qui est interdit que l'on mange, son urine et ses excréments sont impurs. Quand bien même si cette chose est pure. Ici, il nous suffit de prendre un exemple tout simple que tout le monde connaît. Prenons l'exemple de l'homme. Il n'y a pas de doute qu'il est pur. Malgré cela, son urine et ses excréments sont impurs. Et donc, c'est exactement la même chose pour la chatte. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elle n'est pas impure. On exclut son urine et ses excréments. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elle compte parmi les animaux domestiques, c'est-à-dire qu'elle fait partie des animaux qui circulent entre les hommes. Car le terme employé ici, c'est At-tawafin. Et les savants nous mentionnent que ceci est la cause de la pureté de la chatte. Car si elle aurait été impure, ceci aurait été une gêne et une contrainte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé cette gêne à ses serviteurs. Donc partant de cela, si une chatte viendra à boire du lait dans un récipient, il t'est permis de boire après elle, sans verser son contenu. Tout comme il t'est permis de délaisser son contenu. Car c'est possible que certains peuvent avoir de l'aversion pour cela. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucun mal à le délaisser. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a délaissé le lézard. Pourtant, il est permis d'en manger. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait de l'aversion pour cela, il l'a donc délaissé. L'imam muslim rapporte d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'il a dit « J'entrais avec Khalid ibn al-Walid. » J'entrais avec Khalid ibn al-Walid dans la maison de Maymoun, radiallahu anha, en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On apporta du lézard rôti. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tendit sa main en sa direction. Une de ses femmes présentes chez Maymouna déclara informer le messager d'Allah de ce qu'il est sur le point de manger. Le messager d'Allah retira alors sa main. Je demandais, est-ce illicite au messager d'Allah ? Il répondit non, mais on n'en trouvait pas dans la terre de mon peuple et cela me répugne. Rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, on voit très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé le lézard rôti. Pourtant, le lézard, il est permis d'en manger. Mais il l'a délaissé. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de l'aversion pour cela. Et donc, il a délaissé cette chose. Et donc, si la personne, elle a par exemple un chat qui boit dans un récipient ou autre, il est possible pour elle de boire après son chat. Mais il n'y a pas de mal, si elle répugne cela, de délaisser, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé le lézard dans le hadith qu'on a mentionné précédemment. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement, si une personne viendrait à s'étonner d'une de tes paroles ou actions, il convient que tu lui donnes une explication. Car lorsque la femme d'Abu Qatada, qu'Allah l'agré, s'est étonnée de son geste, il s'est empressé de lui expliquer. Et ceci, ikhwani fillah, fait partie du bon comportement, comme l'ont mentionné les savants. C'est pour cela que certains, parmi les gens de science au Yémen, lorsqu'ils voulaient mettre en pratique certaines sunnans lors de la prière, surtout lors de la prière de Tarawih, ils avertissaient les prieurs avant de la pratiquer, pour ne pas qu'ils soient étonnés, ou bien juste après l'avoir pratiquée, ils avertissaient les gens et disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement est que la chatte est pure, malgré qu'il est interdit d'en consommer. Et ceci nous rappelle, ikhwan fillah, la règle qu'on a mentionnée dans les premiers cours, qui est toute chose licite est pure, mais ce n'est pas toute chose pure qui est licite. Et donc là, on a un très bon exemple que ce n'est pas toute chose pure qui est licite. Car la chatte est pure. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans ce hadith. Mais malgré sa pureté, il est certes illicite d'en manger. C'est pour ça que ce n'est pas toute chose qui est pure qui est licite. Et donc la chatte est un très bon exemple dans cela. Le troisième enseignement, les savants ont tiré de ce hadith une règle très importante dans la législation islamique, qui est la difficulté entraîne la facilité. La difficulté entraîne la facilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu cet animal pur, car elle fait partie des animaux domestiques qui se mélangent beaucoup à l'homme. Et si elle aurait été impure, alors qu'elle est dans les maisons, qu'elle se mélange à l'homme, ceci aurait été très difficile. Le quatrième enseignement, les savants se sont basés sur ce hadith pour dire que tous les animaux domestiques qui sont en contact permanent avec l'homme sont purs. Tous les animaux domestiques qui sont en contact permanent avec l'homme sont purs. Selon la règle, la difficulté entraîne la facilité. Et le cinquième enseignement, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les créatures. Car il nous a allégés et facilités. Et ceci nous indique que cette législation est basée sur la miséricorde et la facilité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah: Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. Mais ici, ikhwani fillah, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui me semble très important. Certains fauteurs de troubles, parmi les faibles d'esprit de cette communauté, vont se servir de ce genre de verset qu'on vient de citer dans Sourate Al-Baqarah. Ils vont se servir aussi de ce genre de règles qu'on a mentionnées précédemment. La difficulté entraîne la facilité, ou d'autres règles semblables à celles-ci, pour rendre licite certaines choses. Pour rendre licite certaines choses. Ne voyez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde, que certains parmi les faibles d'esprit de cette communauté, parmi les fauteurs de troubles, mentionnent que riba, c'est halal. Certains, tu le vois par exemple sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ils te disent, sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal, akhil karim, de faire riba. Et il va te dire par exemple que la difficulté entraîne mada, entraîne la facilité. Ou il va te dire par exemple certaines règles qui sont connues dans la jurisprudence, ad-darurat tubih al-mahdhurat. Il va te dire, on se base sur cette règle pour dire que lorsque tu es dans un besoin aujourd'hui, avoir une maison à crédit, c'est un besoin, d'accord? Car si tu n'as pas ta maison, etc., tu peux être dans une difficulté, alors la difficulté entraîne la facilité. Et il n'y a pas de doute que ce procédé est erroné. Il n'y a pas de doute, ikhwani fillah, que ce procédé est erroné. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ces genres de qawa'id. Il est important, ikhwani fillah, de comprendre ce genre de règles. On n'utilise pas ce genre de règles-là comme on le veut. On n'utilise pas ce genre de règles comme on le veut. Certains, ils vont te dire, mafalan, moi je suis dans un travail, je travaille à l'usine. Tayyib, il va te dire, je travaille à l'usine. C'est un peu difficile pour moi de prier, mon patron, pas mon patron, d'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je ne prie pas au travail, mais lorsque je rentre par contre, je prie le dhuhr, le asr, le maghrib, le isha à la maison. Pourquoi? Car les savants mentionnent, la difficulté entraîne la facilité. Que cette compréhension des textes et cette compréhension des qawa'id, des règles de cette législation, est certes erronée et fausse. Car ici, tu ne peux pas utiliser ce genre de règles dans ce genre de cas de figure. Et on a beaucoup ça à notre époque. Certains qui vont te dire riba, c'est halal, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas forcément te sortir des versets du Coran ou par exemple des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils vont se baser sur, ce genre de règles qui ont mal compris. Donc faites attention à ce genre d'énergumène. Faites attention à ce genre d'énergumène et n'écoutez pas ce qu'ils mentionnent. Car certes, leurs paroles semblent sucrées telles que du miel, mais en vérité, comme certains chiouchs y disaient, ils mettent du poison dans du miel. De telle sorte que tu penses que c'est sucré, mashallah, tu manges cette chose et tu te fais piquer. C'est pour ça, ne prêtez pas attention à ce genre de personnes. Et je ne vais pas citer leur nom ici pour ne pas leur faire de publicité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.